214e nuit. Danash, le génie rebelle à Dieu, poursuivit et dit à Memoun : puisque vous le souhaitez, je vous dirai que je viens des extrémités de la Chine, où elle regarde les dernières îles de cet hémisphère. Mais, charmante Memoun, dit ici Danash, qui tremblait de peur à la présence de cette fée, et qui avait de la peine à parler, vous me promettez au moins de me pardonner et de me laisser aller librement quand j'aurai satisfait à vos demandes. Poursuis, poursuis, maudit, reprit Memoun, et ne crains rien. Crois-tu que je sois une perfide comme toi, et que je sois capable de manquer au grand serment que je t'ai fait? Prends bien garde seulement de ne me rien dire qui ne soit vrai. Autrement, je te couperai les ailes, et je te traiterai comme tu le mérites. Danash, un peu rassuré par ces paroles de Memoun. Ma chère dame, reprit-il, je ne vous dirai rien que de très vrai. Ayez seulement la bonté de m'écouter. Le pays de la Chine d'où je viens est un des plus grands et des plus puissants royaumes de la terre, d'où dépendent les dernières îles de cet hémisphère dont je vous ai déjà parlé. Le roi d'aujourd'hui s'appelle Gaïour, et ce roi a une fille unique, la plus belle qu'on ait jamais vue dans l'univers depuis que le monde est monde. Ni vous, ni moi, ni les génies de votre parti, ni du mien, ni tous les hommes ensemble, nous n'avons pas de termes propres, d'expressions assez vives ou d'éloquence suffisante pour en faire un portrait qui approche de ce qu'elle est en effet. Elle a les cheveux d'un brun et d'une si grande longueur qu'ils lui descendent beaucoup plus bas que les pieds, et ils sont en si grande abondance qu'ils ne ressemblent pas mal à une de ces belles grappes de raisin dont les grains sont d'une grosseur extraordinaire lorsqu'elle les a accommodés en boucle sur sa tête. Au-dessous de ses cheveux, elle a le front aussi uni que le miroir le mieux poli, et d'une forme admirable. Les yeux noirs à fleur de tête, brillants et pleins de feu, le nez ni trop long ni trop court, la bouche petite et vermeille. Les dents sont comme deux filles de perles qui surpassent les plus belles en blancheur. Et quand elle remue la langue pour parler, elle rend une voix douce et agréable, et elle s'exprime avec des paroles qui marquent la vivacité de son esprit. Le plus bel albâtre n'est pas plus blanc que sa gorge. De cette faible ébauche, enfin, vous jugerez aisément qu'il n'y a pas de beauté au monde plus parfaite. Qui ne connaîtrait pas bien le roi, père de cette princesse, jugerait aux marques de tendresse paternelle qu'il lui a données qu'il en est amoureux. Jamais amant n'a fait pour la maîtresse la plus chérie ce qu'on lui a vu faire pour elle. En effet, la jalousie la plus violente n'a jamais fait imaginer ce que le soin de la rendre inaccessible à tout autre qu'à celui qui doit l'épouser lui a fait inventer et exécuter. Afin qu'elle n'eût pas à s'ennuyer dans la retraite qu'il avait résolu qu'elle gardât, il lui a fait bâtir 7 palais, à quoi on n'a jamais rien vu ni entendu de pareil. Le premier palais est de cristal de roche, le second de bronze, le troisième de fin acier, le quatrième d'une autre sorte de bronze, plus précieux que le premier et que l'acier, le cinquième de pierre de touche, le sixième d'argent et le septième d'or massif. Il les a meublés d'une somptuosité inouïe, chacun d'une manière proportionnée à la manière dont ils sont bâtis. Il n'a pas oublié, dans les jardins qui les accompagnent, les parterres de gazon ou émaillés de fleurs, les pièces d'eau, les jets d'eau, les canaux, les cascades, les bosquets plantés d'arbres à perte de vue, où le soleil ne pénètre jamais, le tout d'une ordonnance différente en chaque jardin. Le roi Gaïour, enfin, a fait voir que l'amour paternel seul lui a fait faire une dépense presque immense. Sur la renommée de la beauté incomparable de la princesse, les rois voisins les plus puissants envoyèrent d'abord la demander en mariage par des ambassades solennelles. Le roi de la Chine les reçut toutes avec le même accueil, et comme il ne voulait marier la princesse que de son consentement, et que la princesse n'agréait aucun des partis qu'on lui proposait, si les ambassadeurs se retiraient peu satisfaits quant au sujet de leur ambassade, ils partaient au moins très contents des civilités et des honneurs qu'ils avaient reçus. « Sire, disait la princesse au roi de Chine, vous voulez me marier et vous croyez par là me faire un grand plaisir. J'en suis persuadée et je vous en suis très obligée. Mais où pourrais-je trouver, ailleurs que près de votre majesté, des palais si superbes et des jardins si délicieux ? J'ajoute que sous votre bon plaisir, je ne suis contrainte en rien, et qu'on me rend les mêmes honneurs qu'à votre propre personne. » Ce sont des avantages que je ne trouverais en aucun autre endroit du monde, à quelque époux que je voulusse me donner. Les maris veulent toujours être les maîtres, et je ne suis pas d'humeur à me laisser commander. » Après plusieurs ambassades, il en arriva une de la part d'un roi plus riche et plus puissant que tous ceux qui s'étaient présentés. Le roi de la Chine en parla à la princesse, sa fille, et lui exagéra combien il lui serait avantageux de l'accepter pour époux. La princesse le supplia de vouloir l'en dispenser et lui apporta les mêmes raisons qu'auparavant. Il la pressa. Mais au lieu de se rendre, la princesse perdit le respect qu'elle devait au roi son père. « Sire, lui dit-elle en colère, ne me parlez plus de ce mariage ni d'aucun autre. Sinon, je m'enfoncerai le poignard dans le sein et me délivrerai de vos importunités. » Le roi de la Chine, extrêmement indigné contre la princesse, lui répartit. « Ma fille, vous êtes une folle, et je vous traiterai en folle. » En effet, il la fit enfermer dans un seul appartement d'un de ses palais, et ne lui donna que 10 vieilles femmes pour lui tenir compagnie et la servir, dont la principale était sa nourrice. Ensuite, afin que les rois voisins qui lui avaient envoyé des ambassades ne songeassent plus à elle, il leur dépêcha des envoyés pour leur annoncer l'éloignement où elle était pour le mariage. Et comme il ne douta pas qu'elle ne fût véritablement folle, il chargea les mêmes envoyés de faire savoir dans chaque cour que s'il y avait quelque médecin assez habile pour la guérir, il n'avait qu'à venir, et qu'il la lui donnerait, pour femme, en récompense. « Belle Maimoune, poursuivit Danache, les choses sont dans cet état, et je ne manque pas d'aller régulièrement, chaque jour, contempler cette beauté incomparable. » À qui je serais bien fâché d'avoir fait le moindre mal, nonobstant ma malice naturelle. Venez la voir, je vous en conjure, elle en vaut la peine. Quand vous aurez connu par vous-même que je ne suis pas un menteur, je suis persuadé que vous n'aurez quelque obligation de vous avoir fait voir une princesse qui n'a pas d'égal en beauté. Je suis prête à vous servir de guide, vous n'avez qu'à commander. » Au lieu de répondre à Danache, Maimoune fit de grands éclats de rire qui durèrent longtemps. Et Danache, qui ne savait pas à quoi en attribuer la cause, demeura dans un grand étonnement. Quand elle eut bien ri à plusieurs reprises, « Bonbon, lui dit-elle, tu veux m'en faire accroire. Je croyais que tu allais me parler de quelque chose de surprenant et d'extraordinaire, et tu me parles d'une chiasseuse. Eh, fille, fille, que dirais-tu donc, maudit, si tu avais vu comme moi le beau prince que je viens de voir en ce moment et que j'aime autant qu'il le mérite. Vraiment, c'est bien autre chose. Tu en deviendrais fou. » « Agréable Maimoune, reprit Danache, oserais-je vous demander qui peut être ce prince dont vous me parlez ?»« Sache, lui dit Maimoune, qu'il lui est arrivé à peu près la même chose qu'à la princesse dont tu viens de m'entretenir. Le roi, son père, voulait le marier à toute force. Après de longues et grandes importunités, il a déclaré franc et net qu'il n'en ferait rien. C'est la cause pourquoi, à l'heure que je te parle, il est en prison dans une vieille tour où je fais ma demeure et où je viens de l'admirer. « Je ne veux pas absolument vous contredire, répartit Danache. Mais, ma belle dame, vous me permettrez bien, jusqu'à ce que j'aie vu votre prince, de croire qu'aucun mortel ni mortelle n'approche pas de la beauté de ma princesse. « Tais-toi, maudit, répliqua Maimoune. Je te dis encore une fois que cela ne peut pas être. « Je ne veux pas m'opiniâtrer contre vous, » ajouta Danache. « Le moyen de vous convaincre, si je vous dis vrai ou faux, c'est d'accepter la proposition que je vous ai faite de venir voir ma princesse et de me montrer ensuite votre prince. » « Il n'a pas besoin que je prenne cette peine, » répondit encore Maimoune. « Il y a un autre moyen de nous satisfaire l'un et l'autre. C'est d'apporter ta princesse et de la mettre à côté de mon prince sur son lit. De la sorte, il nous sera aisé, à moi et à toi, de les comparer ensemble et de vider notre procès. » Danache consentit à ce que la fée souhaitait et il voulait retourner à la Chine sur le champ. Maimoune l'arrêta. « Attends, lui dit-elle, viens que je te montre auparavant la tour où tu dois apporter ta princesse. » Ils volèrent ensemble jusqu'à la tour et quand Maimoune lui montrait à Danache, « Va prendre ta princesse, lui dit-elle, et fais vite, tu me retrouveras ici. Mais écoute, j'entends au moins que tu me paieras une gageure si mon prince se trouve plus beau que ta princesse. Et je veux bien aussi t'en payer une si ta princesse est plus belle. »